Oui, peur. Des grands frères. Oh my god. Des ah oui, moi, je sais que j'ai la... Personnellement, j'ai trop peur que... Bah, je sais que ça m'est arrivé, mais par exemple, parler avec un garçon et que, par exemple, mes cousins... Enfin, personnellement, moi, j'ai pas de grand frère, mais mes cousins, ils soient au courant. Moi, ça me fait flipper, hein. T'as peur, mais tu sais c'est quoi, mais t'as quand même peur. En fait, c'est ce qui... En fait, ça va me faire peur, du coup, ça va encore plus me tenter. Je sais pas comment dire. Genre... En fait, c'est la... Genre, le truc, genre, je sais qui va me tuer, mais je sais pas, ça me... Ouais, j'aimerais bien. Moi, je sais que parfois, si je rentre à 20h, ma mère va me tuer. Mais je rentre quand même à 20h. Vas-y. Je sais ce qu'elle va dire, je sais ce qu'elle va répéter, je sais qu'elle va me taper, mais je le fais quand même. De tout, tu sors dehors, t'as peur. T'es chez toi, t'as peur. T'as peur de quoi? Et dans le monde, on a peur de tout, mais pas personnellement, j'ai peur que du bon Dieu. Ouais, mais là, dans ce monde, bah, t'as peur de tout. T'es dehors, tu passes quelque part, t'as peur, tu te dis il va avoir ça, et t'as peur des répercussions. Des gens ont peur? Ouais. Trop peur? Pas trop peur, mais il y a cette peur. Il y a ce sentiment, il reste toujours en nous. Quoi. Aussi les filles qui n'ont pas de grand frère, je pense qu'ils ont une peur. Ou qu'ils n'ont pas de grande sœur. Il n'y a personne pour leur dire. Parce que je vous promets que. Ouais, quand il n'y a personne derrière eux, demain tu t'embrouilles par un garçon, il va venir, il va te mettre une claque. Alors quand t'as un grand frère, ça va bien l'arrêter, il va même pas oser lever la main sur toi. Et ça, c'est très important d'avoir des grands frères et des grandes sœurs. Moi, je sais que par exemple, ma petite sœur, eh ben, il y en a plein. Il lui parle pas, il la touche pas, parce qu'il y a moi. Et je sais qu'aussi, quand elle est venue dans un autre quartier, il la prend en photo, des garçons me disent « Ouais, ta soeur, nanana, elle a parlé avec un garçon. » Tu sais, ils viennent me dire à moi au lieu de la salir. Je sais aussi que ma soeur, quand elle marche, il m'a pris la photo, il me dit « Ta soeur, elle a super bien. » Quand ma soeur, elle est au collège, par exemple, quelqu'un l'a tapé, il va me message « Ouais, ce gamin, il a tapé ta petite soeur. » Je sais tout. Mais je sais pas comment je fais, mais je sais tout. C'est la vérité, hein, je vous promets. Mais dis la vérité, c'est comme ça maintenant. Même ta petite, ta soeur qui a... Oh, c'est chaud. Oh. Elle sait tout. Ah, oh, c'est trop, hein. T'as vu? On sait tout. Les gens, ils nous disent tout. Oh, ma soeur, elle sait des choses avant que moi je les sais. Ouais, t'as vu? En fait, il y a des gens, ils connaissent mieux ta vie que nous-mêmes, en fait. On est surveillés. Moi, je sais que souvent, on me la snap. On me dit, ta soeur, elle est là, elle traîne avec elle. Dis-lui de pas traîner avec elle. Et moi, j'ai ma soeur, je te revois il avec elle. Ils décident de nos vies, quoi. Ils décident de la vie, quoi. Quelle décision? Non, mais ils suivent nos vies, ils suivent nos activités. C'est normal, t'es surveillée. Et donc, quand tu lui dis d'arrêter de fréquenter quelqu'un, elle le fait, elle le fait pas? Elle le fait. Mais c'est pour son bien. J'ai intérêt à le faire. Elle a intérêt de le faire. Si tu le fais pas, ça n'arrivera jamais. Ouais, non. Moi, je l'ai fait avec mon grand frère, elle le fait avec moi. Et moi, je sais de quoi je fais, de quoi je parle. Si je lui dis d'arrêter avec une personne, c'est il y a des problèmes. Ils font bien. Moi, une fois, ma soeur, elle m'a dit d'arrêter de traîner avec une personne. Je l'ai pas écoutée. Et je sais que juste après, j'ai regretté. Hein. J'ai dit, oh, j'aurais dû t'écouter de ne pas traîner avec cette personne. Ouais, comme par exemple, nos mères, elles disent. Parce que nos mères, elles s'arrêtent en fait. Mais genre en mode. Quand on ramène une copine chez nous et qu'après, elle nous dit, je la sens pas, arrête de traîner avec elle. Moi, par exemple, j'ai plein de fois de nanas. Je vais pas arrêter de traîner avec elle ou je vais pas arrêter de l'aimer, je vais pas quitter et tout. Et ben, genre tout le temps, au bout de quelques semaines et tout, je le regrette. Je vais voir ma mère, je lui dis, excuse-moi pour toutes les fois où je t'ai pas écoutée.